Toujours à la même occasion, la direction d'édition des timbres d'État a mis au point trois vignettes. On voit les mots « le 70e anniversaire de la fondation de l'Université Gimelson » et « l'an 35 du JT 1946, l'an 105 du JT 2016 » sur les parties supérieures de deux vignettes représentant les statues en bronze du président Gimelson et du général Kim Jong-il et d'une vignette présentant le panorama de l'université.